En ce moment t'as pas trop la forme. Quand je t'appelle tu me dis j'ai la flemme. Mais dis pas que c'est à cause ta faute. N'oublie pas qu'on a des affaires. Ouais des sous à faire. Fais belle et que tu t'endors. À quoi tu t'attendais? Souvent quand tu tombes l'offre. Dis-toi que tu tombes mal. Dis-toi que tu trompes mal. Rebelle t'as trompé. Ok t'as trompé. C'est ça là j'étais rentré tard. Sur le canapé je tire des barres. Je te vois arriver tu débarques. Tes histoires de l'or, tu déballes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te comprends pas. Tu me parles d'une lobsa, mais elle n'est pas faite pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je te comprends pas. Tu me parles d'une lobsa, mais elle n'est pas faite pour toi. Dans ta tête c'est le désordre. Dans ton cœur c'est le désert. J'aime pas te voir comme ça, ça me désole. Pourquoi tu m'as pas écouté? Et t'as aveuglé, fais belle et que tu t'endors. Je crois bien que t'as piqué. À quoi tu t'attendais? Connu dans les cités, d'herbe à la casté. Jusqu'à Roubaix, ma foi. Ce soir là, je vais faire une spéciale. Tu te vends pas du bloc, tu roules un pétard. Tu m'as dit, nab, je parlais, tu voiles. Et elle m'a fait le coup du foulard. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Tu me parles d'une lobsa, mais elle n'est pas faite pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je te comprends pas. Tu me parles d'une lobsa, mais elle n'est pas faite pour toi. Parle d'une lobsa, mais elle est...